défoncer les portes comme un putain de casse-bélier. Ah. Yeah, yeah. Oh. Ah. Tu casse-bélier. Diamant, carni, casse-bélier. Écoute gamin, j'arrive de loin, j'en ai marre de payer. Pour les autres, je radote le disque de ma life, il est rayé. Effrayé par nous car mec, on ne fait que t'effrayer. La chronique, cette pénique, c'est bon, j'ai dépassé, ça y est. Allez, je ramène un peu de groove, on s'en bat les couilles. Mon son, c'est du 6 de bandit pour ceux qui s'en souviennent. Le GMC ne fait pas la team, ou rien la TV. Tu fais semblant de m'ignorer, mais je le sais, tu m'imites. Irrité parce qu'on finira jamais dans le Guinness. Percor, t'auras jamais disque dans ces hardcore. La vie d'un nain déguisé de se prendre le décor. Ici c'est la galère dans la gamelle. Tous les jours mon frère que l'on picore. Tu sais arrête de fantasmer, j'suis pas un hooligan ni polygame, mais j'fuck les MC avec l'amni. C'est juste un 16, histoire de représenter ton ton. Tu sais j'me retiens pas les poussées du haut du ton ton. Le temps nous est compté, mais ce qui m'importe mon pote c'est trop pas, j'ai la vérité. C'est qu'on est tous conditionnés, niqués. Ne fume t'es pas programmé, on roule des sans mouvement, des foulés. Mais que son regard des sociétés occultes, aucune peine pour eux pendant qu'on a tous ces flics au cul. Accusé, parlé, corrompu, par qui tu croyais quoi. Tu entends plus, me demande pas par qui. Le temps nous est compté, mais ce qui m'importe mon pote, c'est trop pas, j'ai la vérité. Entre les rêves et les cauchemars, je dois garder les pieds sur terre. J'suis pas de ces connards, ce qui la paix vous prolifère. Lève à lui du mal pour changer les couches d'habitude. Un œil sur les deux autres, je vais pas les voir dans plus de shit. Alors je reste droit parce que les causes engendrent les conséquences. Et chier de quoi je cause, pas comme ceux qui parlent et pensent. Ils portent tous ces acteurs derrière un micro. Ça crasse dans l'antipop alors que c'est leur daronne qui leur remplit le frigo. Ça cognera de la rue à part les reportages la nuit. C'est fait études, visé Rémi, j'suis et sans rancune. Ma daronne une manouche, alors cherche pas si trop de malus. J'fais partie de ces canous, j'irai sous la lueur de la lune. Viens pas me parler de justice, tant qu'on frôle le bonheur de justesse. J'ai toujours pas d'astuce pour en faire toute cette tristesse qu'il y a en moi. Le compte toujours dans le moins, la plus tu peux compter sur moi. Ma famille j'en prends soin. Le temps nous est compté, mais ce qui m'importe mon pote c'est de propager la vérité. C'est qu'on est tous conditionnés, niqués. Ne fume t'es pas programmé, qu'on brûle sans mouf, défoulé. Mais que son regard des sociétés occultes, aucune peine pour eux pendant qu'on a tous des flics au cul. Accusé, parlé, corrompu, par qui tu croyais quoi. Tu entends plus, me demande pas par qui. Le temps nous est compté, mais ce qui m'importe mon pote c'est de propager la vérité. Dès qu'on est tous conditionnés, niqués. Ne fume t'es pas programmé, qu'on brûle t'es sans mouf, défoulé. Mais que son regard des sociétés occultes, aucune peine pour eux pendant qu'on a tous des flics au cul. Accusé, parlé, corrompu, parti. Tu croyais quoi, qui entend, tu me demandes pas par qui. Le temps nous est compté, mais ce qui m'importe c'est de propager la vérité. Gamni, Cassius B. Le temps nous est